Le Chevalier d'Eon par Alfred Mézières. Chapitre 1er. Et d'abord, le Chevalier d'Eon était-il un homme ou une femme? Sur ce point, si souvent controversé, aucun doute possible aujourd'hui. Il était bien le fils et non la fille d'Eon de Beaumont, directeur des domaines du roi, né à Tonnerre, le 5 octobre 1728. Nous verrons plus tard pour quelle raison spéciale il fut obligé de prendre et de porter le costume de femme. Dans sa jeunesse, quoique petit et mince, il témoigne d'une force toute masculine. Bon cavalier, il tire l'épée comme un maître d'armes. Aucun de ses contemporains ne conteste sa supériorité en escrime. Avec cela, l'esprit le plus délié et le plus entreprenant, le génie même de l'intrigue. Les détenteurs du secret du roi, les membres de ce ministère occulte que Louis XV a constitué pour servir sa politique étrangère personnelle à l'insu de ses ministres, souvent même en contradiction avec eux, le prince de Conti, le comte de Breuil, M. Tercier, démêlent bien vite le parti qu'ils pourront tirer d'un jeune homme ambitieux, prêt à tout pour se pousser dans le monde. Il s'agit pour lui, dès le début, d'aider à rétablir les relations interrompues, depuis plusieurs années, entre la cour de France et la cour de Russie. Comme il fallait, avant tout, ne pas se laisser pénétrer par le chancelier Bestuchef, très hostile à l'idée d'un rapprochement. Il est possible que le chevalier et profiter de sa petite taille et de sa figure imberbe pour être admis auprès de l'impératrice Élisabeth sous une robe de femme. Lui-même fait, une fois, allusion à une circonstance de ce genre. En tout cas, ce ne fut qu'un déguisement passager. C'est bien en qualité de gentilhomme que Déon fut envoyé officiellement par le ministre des Affaires étrangères auprès du vice-chancelier Voronzov, dont on connaissait les sympathies pour la France. C'est sous son costume d'homme qu'il fut reçu par la souveraine en audience solennelle. La partie secrète de la mission qui concernait le prince de Conti et le trône de Pologne n'eut pas de suite, le prince étant tombé en disgrâce à Versailles. Mais la partie officielle, la reprise des relations entre les deux cours, réussit complètement. La Russie abandonnait l'alliance de l'Angleterre pour entrer dans la coalition formée par la France et par l'Autriche contre Frédéric II. Le chevalier d'Eon avait pris une telle part à ce brillant succès qu'il fut chargé d'emporter la nouvelle à Versailles. Quoiqu'il se fût cassé la jambe en route, il arriva avant tout le monde, annonçant à la fois la conclusion du traité avec la Russie et la victoire remportée à Prague par les Autrichiens sur le roi de Prusse. Louis XV, ravi de recevoir ces deux heureuses nouvelles de la bouche d'un de ses agents secrets, et touché du courage témoigné par lui, commença par lui envoyer son propre chirurgien, et quelques jours plus tard, lui fit remettre une gratification sur le trésor royal, une tabatière d'or, enrichie de perles et un brevet de lieutenant de dragon. Quelques années plus tard, Déon, rentré en Russie, en revenait de nouveau avec le texte d'un traité plus formel encore et d'une convention maritime. La cour de France l'aurait volontiers accrédité dans un pays où il réussissait si bien. L'impératrice elle-même lui faisait proposer de s'attacher à son service. Mais le climat de la Russie ne convenait guère à sa santé, et un service étranger ne le tentait pas. Il insista énergiquement pour rentrer dans son pays, où il espérait qu'un nouveau champ allait s'ouvrir à son activité. La guerre de 7 ans durait toujours. Pourvu d'un brevet de lieutenant, puis de capitaine, Déon n'entendait pas demeurer indéfiniment à la suite de son régiment, loin du théâtre de l'action. Il demanda à servir et fit avec éclat la campagne de 1761, comme aide-de-camp du maréchal de Breuil. Le certificat qu'il reçut en quittant l'armée atteste qu'il y avait donné des preuves de la plus grande intelligence et de la plus grande valeur. Quel rêve de fortune ne dut-il pas caresser lorsqu'il se vit traité en personnage indispensable, rappelé de l'armée et sur le point d'aller de nouveau représenter la France en Russie, non plus en subalterne, mais cette fois avec l'autorité et le grade d'un chef de mission. La mort de l'impératrice arrêta ses projets. On dédommagea immédiatement Déon en l'envoyant à Londres comme secrétaire du duc de Nivernais pour conclure avec l'Angleterre la paix de 1763, négociation infiniment délicate et difficile qu'il avait paru nécessaire de confier à un des plus grands seigneurs de France, un diplomate de beaucoup d'envergure, en lui adjoignant le plus avisé et le mieux informé des collaborateurs. Déon s'acquitta si bien de ses nouvelles fonctions qu'il fut chargé, à la fois par l'ambassadeur de France et par le gouvernement anglais, de porter à Versailles les ratifications de la paix. Chapitre 2. La paix conclue, le duc de Nivernais n'avait plus rien à faire à Londres. En attendant qu'il fût remplacé, Déon rentra à l'ambassade, chargé de l'intérim, avec le titre de ministre résident. Son rêve se réalisait. Il occupait un des grands postes de l'État, provisoirement il est vrai, mais avec la conviction que ce provisoire deviendrait définitif. Ce fut le point culminant de sa carrière, et ce fut aussi, sans qu'il s'en doutât, la cause de sa perte. Au moment où tout lui souriait, où il entrevoyait le plus brillant avenir, le gouvernement français envoyait en Angleterre un ambassadeur auquel il aurait fallu beaucoup de tact pour se faire accepter et obéir par un homme aussi plein de lui-même, aussi pénétré de son importance que le chevalier. Malheureusement pour celui-ci, le successeur du duc de Nivernais, le comte de Guerchy, brave soldat, bon homme de guerre, mais d'esprit court et peu souple, manquait d'expérience diplomatique. Il ne sut ni ménager son subordonné, ni tenir compte des espérances qu'avait pu faire naître en lui le titre de ministre résident et même de ministre plénipotentiaire. Les honneurs avaient tourné la tête de Déon. Au fond, il se croyait fait pour gérer l'ambassade d'Angleterre. En se comparant à son chef, qu'il avait déjà jugé dans la campagne de 1761, il s'attribuait un mérite supérieur à celui d'un homme dont la faveur avait pu faire un diplomate sans l'investir d'aucune des qualités de l'emploi. Il obéissait volontiers au duc de Nivernais parce qu'il l'admirait. Il refusait son obéissance au comte de Guerchy parce qu'il le jugeait incapable. Ni prière, ni menace, ni même un ordre formel du roi, et la signification officielle de son rappel, ne purent le décider à reconnaître l'autorité de l'ambassadeur. La guerre éclata donc entre les deux représentants de la France, au grand amusement et au grand scandale de la galerie, c'est-à-dire de la société anglaise tout entière. Déon se savait protégé par les lois du pays, par le respect admirable qu'ont les Anglais pour la liberté individuelle. Son extradition ayant été demandée par le gouvernement français, le roi d'Angleterre exprimait le regret de ne pouvoir accueillir la demande, les lois du royaume ne lui en laissant pas le pouvoir. Si, au contraire, le chevalier portait plainte contre l'ambassadeur, s'il accusait celui-ci d'avoir voulu le faire empoisonner, il se trouvait un tribunal pour prendre le parti du faible contre le fort et condamner Guerchy. Déon profitait en même temps de la liberté de la presse pour accabler son rival sous une série de pamphlets où il le livrait tantôt au ridicule, tantôt à l'indignation publique. Son audace venait en grande partie de ce qu'il tenait entre les mains, depuis de longues années, les fils de la diplomatie occulte du roi. Les papiers compromettants dont il était dépositaire et dont il défendait énergiquement le secret, lui paraissait une garantie suffisante pour que le souverain lui sût gré de sa discrétion et ne le livra jamais complètement aux vengeances de ses ministres. Il se trompait dans ses calculs en croyant conserver par ce moyen une situation officielle, mais il ne se trompait pas sur l'embarras dans lequel il mettait le roi. Louis XV avait une telle peur que sa politique souterraine ne fût découverte par ses ministres que ce fut lui qui entra en composition avec son agent. De guerre lasse, en finir avec les inquiétudes que lui causait la résistance du chevalier, il lui offrit une pension annuelle de 12 000 livres et le lui annonça dans une lettre écrite de sa propre main. C'eût été parfait si la pension avait été payée régulièrement, mais elle ne l'était pas toujours. Dans les intervalles, le chevalier se lamentait et se plaignait de mourir de faim. C'est à cette époque que remonte l'idée de son changement de sexe. Un libelliste, à la solde du comte de Guerchy, l'avait le premier lancé dans le public. L'extérieur frêle de Déon, sa taille petite et élancée, les traits de son visage presque imberbes, prêtaient à l'illusion. On ne lui connaissait d'ailleurs aucune intrigue, aucune aventure d'amour. Chaque fois qu'on lui avait proposé un mariage agréable ou avantageux, il s'était dérobé avec empressement. Le bruit que le chevalier pourrait bien être une femme déguisée commença à se répandre dans les cercles de Londres. Chez ce peuple amoureux d'excentricité, où les paris sont fréquents et si originaux, on se mit avec fureur à parier pour ou contre. Cette singulière énigme devint la curiosité du jour. Les journalistes, les dessinateurs, les chansonniers s'en emparèrent comme du sujet à la mode. Les femmes, surtout, s'intéressaient à la question. Quelques-unes l'interrogeaient même directement. Chapitre 3. Déon ne répondait rien. Mais tout en faisant le mort, il réfléchissait aux avantages qu'il pourrait tirer de sa métamorphose. le roi, vieilli, se désintéressait du secret que les ministres avaient fini par surprendre. Le rôle de l'ancien agent paraissait définitivement terminé. Puisque le public s'obstinait à lui attribuer le sexe féminin, pourquoi ne profiterait-il pas d'un état d'esprit auquel il n'avait pas contribué pour se créer une popularité, une célébrité nouvelle, en augmentant du même coup ses ressources pécuniaires? Voulant tirer parti de la circonstance pour se faire payer très cher les services qu'il a rendus, il envoie à Louis XVI, qui vient de monter sur le trône, le plus impertinent comte d'apothicaire qu'on puisse imaginer. Il réclame, avec ses appointements de capitaine pendant 15 années, le remboursement des dépenses qu'il a faites lorsqu'il gérait l'ambassade par intérim et les frais immenses que lui a occasionnés son séjour à Londres. Il fait entrer en ligne de compte les cadeaux qu'on a empêchés de recevoir et l'entretien de ses vignes de Bourgogne. En tout, la bagatelle de 250 000 livres. Il importait néanmoins de ne pas laisser entre les mains du chevalier les documents secrets dont il aurait pu faire un mauvais usage. Au nom du roi, Vergennes entreprit la négociation dont il chargea un des esprits les plus avisés du siècle, Beaumarchais lui-même. Voici donc en présence à Londres deux des hommes qui représentent le mieux, à cette époque, le génie de l'intrigue. Lequel des deux l'emportera sur l'autre? Il n'y eut en réalité ni vainqueur ni vaincu. M. Humbert et Jousselin croient que Beaumarchais fut mystifié. Il s'apitoyait en effet sur le sort de cette pauvre fille si longtemps persécutée, condamnée depuis sa naissance à porter le costume masculin. Déon, à bout de ressources, se sentant acculé dans ses derniers retranchements, comprenant que cette fois il était définitivement perdu s'il ne rentrait pas en grâce auprès du roi, joua la comédie de la sensibilité. Il essaya d'attendrir et l'attendrit, en apparence, son adversaire. Mais Beaumarchais ne fut peut-être pas aussi dupe qu'il en eut l'air, car aussitôt que Déon, avec une feinte émotion, lui eut confessé qu'il était une femme, il le boucla dans son rôle de femme et ne lui permit plus d'en sortir. On lui accorda bien une partie de ce qu'il demandait. La transformation de son ancienne pension annuelle en une rente viagère du même chiffre et un sauf-conduit pour entrer en France. Mais on y mit pour condition absolue que par un acte écrit, il se reconnaîtrait lui-même comme appartenant au sexe féminin et qu'il emporterait désormais le costume sans pouvoir reprendre ses habits d'homme. En exigeant cette condition, Beaumarchais entendait couper court aux incartades, aux provocations, aux menaces dont depuis 15 ans Déon fatiguait la France et l'Angleterre. L'événement lui donna raison. Ce que pouvait se permettre un ancien capitaine de dragons n'était plus permis à une femme, dont chacun attendait plus de réserve et plus de tenue. Cela était si vrai que Déon, avec son caractère impétueux et passionné, eut beaucoup de peine à se cantonner dans son nouveau rôle. Non seulement il ne savait ni s'habiller ni marcher avec un corsage, des jupes et des souliers à hauts talons, mais il lui échappait de temps en temps des propos à la dragonne qui trahissaient l'ancien cavalier. Il fut même un jour si excédé de cette perpétuelle contrainte qu'il reprit délibérément ses habits d'homme, mais la police veillait. On l'enferma au fort de Dijon jusqu'à ce qu'il eût changé de costume. Il comprit désormais qu'il ne serait pas le plus fort et il se résigna. Ce fut sa dernière incartade. Une consolation lui restait, le bonheur de faire parler de lui. L'étrangeté de ses aventures, le contraste entre son menton rasé, ses allures cavalières, ses propos de corps de garde et sa qualité de femme, excitaient une curiosité universelle. Cette société frivole, sur le point de mourir, recherchait tout ce qui pouvait réveiller ses sens blasés, lui donner l'impression de l'originalité et du mystère. Déon attirait comme Cagliostro les femmes les plus belles et les plus élégantes, les grands seigneurs, les gens de cour, de finance et de robe, essayaient de le déchiffrer comme on déchiffre une énigme. Lui, satisfait de sa popularité, savourant ses triomphes, se faisait souvent prier et ne se donnait que du bout des lèvres. Nature tout à fait exceptionnelle, dans ce siècle de la galanterie, il n'a fait la cour à personne, il n'a aimé personne. Il a concentré toute son attention sur lui-même. Par cette hypertrophie du moi, il est bien le contemporain de Rousseau, l'apôtre du sens individuel. Mais il ne s'y mêle aucune dose de cette sensibilité que Rousseau a mise à la mode. Ce qui, chez beaucoup de ses contemporains, se transforme en effusion de sentiments, se manifeste chez lui par quelque chose de sec, de pratique et de personnel. Il n'a aucun besoin d'être aimé, mais il a un besoin immodéré d'attirer l'attention. Il appartient déjà au XIXe siècle par son goût du bruit, de la réclame, du cabotinage. Comme Mirabeau et comme Beaumarchais, il a compris un des premiers, par l'exemple de l'Angleterre, le parti qu'on pouvait tirer de la presse pour se créer une réputation, préoccuper de soi ses contemporains et faire entrer définitivement son nom dans leur mémoire. Ainsi s'achève Le Chevalier Déon par Alfred Mézières.